Je suis toute seule dans ma baraque. Je pensais survivre et puis je craque. J'ai passé jouer tout à l'atout. Et je dérive et tu t'en fous. L'amour s'en va, s'emballe du poing. Et l'amitié, n'en parlons pas. Une cendre échouée sur le plancher, en géométrie compliquée, comme le cercueil tout froid, tout gris, d'un petit morceau de ma vie. Appelle mon regard vers la fumée d'une clope, sur le bord d'un cendrier. Je devrais crier, je peux pas, j'ai mal, je voudrais du vin plein ce canal dont le fond fut bâti par des hommes qui se nourrissaient de belles idées sans savoir que j'allais m'y noyer, que l'amour vaut mieux rêver. On dit que la haine donne du courage, moi j'en ai plus, j'ai fait naufrage aveugle et vaguement vivant. L'amour s'accroche à tes brisants, c'est comme une algue à marée basse qui se dessèche au temps qui passe. L'étiage est long et désertique. Après ton éden aquatique, tu sais, c'est dur d'être un débris qu'a tout donné, plus qu'il n'a pris. Est-ce encore moins ce corps qui geint, pris par le froid qui a éteint. Ça bat tambour à l'échafaud, dedans ma chair contre mes os. Mon sang qui coule au ralenti emporte l'amour avec lui. Ça y est, ça cogne un peu plus fort, j'approche un peu plus d'une mort. Les algues là sont tes cheveux, je pourrais presque les toucher, mais la peur m'a paralysé. Déjà c'est toi qui tends la main, déjà moi je ne sens plus rien. Alors petite, mais grandie, d'un élan d'amour infini, je cherche à retenir encore ton souffle au plus près de mon corps, pour voir si tu peux l'impossible contre un départ irréversible. Et je m'en vais.